Thank you. besoin de ces mots. Thank you. Oh, chercher, ils iront dîner, peut-être au ciné. L'amour fatigué devant la télé, dans les draps brodés, ce soir. Allez, c'est vraiment pas Noël. ce motel. Come on, come on, man, for Dada. Oui. Je suis toujours là. Ok, tu veux que je rechante la chanson? Je vais donc recommencer. Allez, c'est parti. Est-ce que tout le monde est prêt pour faire des super solos? Je vais voir si je peux faire un truc. Ce violon, allez, en cherche un autre dans mon magasin. Thank you. ma fille du montaigne, elle joue du violon aussi. Elle fait n'importe quoi. La fille du motel fait n'importe quoi. Allez, va sortir ton violon, petite fille, et sers-moi un autre café, car je pars travailler. C'était la dernière séance. Ah, Mac Flimo, il est revenu. Mac Flimo. Oui, oui. Mac Flimo. Mac Flimo. Yeah. Mac Flimo. Attention. Petit Mac Flimo. Fais attention à ton micro, Mac Flimo. Mac Flimo. Mac Flimo. Tu as pas coupé tes haut-parleurs. Mac Flimo. Il faut prendre un cas. Bonjour. Tu comprends rien, toi. Hey, Mickey. Can you hear me? Oui. Can you hear me? Le tunnel casse, d'accord? Ça sera plus facile. Oui. I can Hello? Hear you. But you must use... This is Mac Flimo. Mac Flimo here. Working on Ableton Live. Yay! We'll be right back. Thank you.